intouchable. Alors on voit un noir représenté de manière coloniale avec les narines épatées. Très étonné. Vous avez trouvé ça sur notre blog. Sur le blog fnvillerbanne.fr. Finalement, ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, qui sont les 1% les plus riches de la population. C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Tous des robots, des machines que Marine assassine. Tous aussi racistes que cette rue de Marine. Le véritable problème, ce n'est pas la droite extrême, mais toute la politique et l'engrenage du système. Hé hey, abruti, ta morale c'est pas la mienne. Tu dis homme d'honneur, mais tu te comportes comme une chienne. Je vois pas d'immigrés que de la condition humaine. Tu vois des glandons, moi des rois et des reines. Rends-toi dans la tête que nous ne formons qu'un. Peu importe où tu viens, de près ou de loin. Là où tu vois couleur, moi je vois un humain. Si tu tombes, on te relève et tu nous rejoins. Les races, une invention culturelle, les nations, une invention de l'homme, les frontières, une création virtuelle, 10 000 ans d'avance, voici le deuxième tome. Augmentation de la répression, tout le monde dit non. Interdire l'expression, tout le monde dit non. Privilège, corruption, tout le monde dit non. Plus de race, plus de classe, non. Le pouvoir à l'élite, tout le monde dit non. Esclavage, on hérite, tout le monde dit non. La haine qu'il suscite, tout le monde dit non. La dictature, on mérite, non. Je porte le flambeau et je brûle vos drapeaux. J'ai l'insoumission en tatouage sur ma peau. Mon micro, c'est le cachère, je suis venu faire du ménage. Droite, gauche, centre, il faut que tout ça dégage. Compatriotisme et valeurs du Moyen-Âge. Communautarisme, il faut tourner la page. Vos temps est révolu, vos mensonges, on n'y croit plus. De Rothschild à Bolloré, les décisions se passent au-dessus. Pas d'alternative, on doit reprendre la main. S'organiser, décider pour assurer demain. Faire ses propres choix, établir ses propres lois. Abolir les privilèges pour rester digne et droit. Tous investis, du plus gros au plus petit. Créer l'unité entre aisés et démunis. Pas de conflit d'intérêts, tous incorruptibles. Et votre égoïsme au centre de ma cible. Augmentation de la répression, tout le monde dit non. Interdire l'expression, tout le monde dit non. Privilège, corruption, tout le monde dit non. Plus de race, plus de classe, non. Le pouvoir à l'élite, tout le monde dit non. Esclavage, on hérite, tout le monde dit non. La haine qui suscite, tout le monde dit non. La dictature, on mérite, non. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, si j'étais mis en examen. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. La Banque Centrale Européenne a comme mission de garantir que le chômage soit au maximum. Tout le monde sait faire la distinction entre bien et mal. Même droit, même condition pour les femelles et les mâles. Le même sort pour tous, teinté et visage pâle. Tous dans le même bateau, mais certains sont restés dans la cale. Ma révolution, sans haine et sans violence. Oublie ta notion du temps, il faut bien qu'on avance. Prise de conscience, inculquer dès l'enfance. Apprentissage des valeurs, c'est maintenant que ça commence. Préserve ta culture sans cultiver la différence. Préserve le futur sans cultiver l'indifférence. Pensons écologie, ne pensons plus économie. La technologie au service de l'harmonie de chaque citoyen, participe à la vie de la cité. Nous ne sommes pas en démocratie, à toi de renseigner. N'ose pas se dire qu'à nous, mais va falloir s'élever. Viens, on t'attend, moi, y'a 10 000 ans que j'ai commencé. Augmentation de la répression, tout le monde dit non. Interdire l'expression, tout le monde dit non. Privilège, corruption, tout le monde dit non. Plus de race, plus de classe, non. Le pouvoir à l'élite, tout le monde dit non. Esclavage, on hérite, tout le monde dit non. La haine qui suscite, tout le monde dit non. La dictature, on mérite, non. Tout le monde dit non. Tout le monde dit non. Tout le monde dit non. Plus de race, plus de classe, non. Tout le monde dit non. Tout le monde dit non. Tout le monde dit non. La dictature, on mérite, non. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerai que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerai de supprimer purement et simplement le 49.3. 49.3. 49.3. 49.3.